Mais levez-vous donc, monsieur. Ne voyez-vous pas que maintenant tout est fini entre nous, que vous me faites horreur, que vous avez renversé la dernière espérance d'une mère ? Et si je la relevais ? Dit-il. Madame Hulot regarda Crevel avec une expression délirante qui le toucha, mais il refoula la pitié dans son cœur à cause de ce mot « vous me faites horreur ». La vertu est toujours un peu trop d'une pièce. Elle ignore les nuances et les tempéraments à l'aide desquels on louvoie dans une fausse position. On ne marie pas aujourd'hui sans dot une fille aussi belle que les mademoiselles Hortense, reprit Crevel en reprenant son air pincé. Votre fille est une de ces beautés effrayantes pour les maris. C'est comme un cheval de luxe qui exige trop de soins coûteux pour avoir beaucoup d'acquéreurs. Allez donc à pied avec une pareille femme au bras, tout le monde vous regardera, vous suivra, désirera votre épouse. Ce succès inquiète beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir des amants à tuer, car après tout, on n'en tue jamais qu'un. Vous ne pouvez, dans la situation où vous êtes, marier votre fille que de trois manières. Par mon secours, vous n'en voulez pas. Et d'un, en trouvant un vieillard de 60 ans, très riche, sans enfants, et qui voudrait en avoir. C'est difficile, mais cela se rencontre. Il y a tant de vieux qui prennent des Josepha, des Jenny Cadine. Pourquoi n'en rencontrerait-on pas un qui ferait la même bêtise légitimement ? Si je n'avais pas ma Célestine et nos deux petits-enfants, j'épouserais Hortense. Et de deux. La dernière manière est la plus facile. Madame Hulot leva la tête et regarda l'ancien parfumeur avec anxiété.